Chapitre 29e. Pauvre Richard. Les neiges de l'hiver fondaient dans les rues de Belminster. Les crocus du jardin de M. Hayward étaient remplacés par des narcisses brillants et des jonquilles aux doriférantes. De timides violettes se cachaient sous les haies épineuses, et Blanche Hayward passait toujours ses heures à accomplir tous les devoirs qu'elle croyait utiles. Le beau vicaire continuait à vaquer à ses occupations avec un visage mélancolique et des manières préoccupées. Le bienveillant recteur luttait avec courage contre les péchés et les imperfections de la pauvre nature humaine, et Richard Saunders occupait toujours la place de directeur de la nouvelle école nationale. Par un beau soleil de printemps dans une après-midi du commencement de mai, il est assis au milieu de ses bruyants élèves, leur expliquant patiemment une simple leçon qu'ils viennent de réciter. Mais infatigable comme il est, aimé de ses élèves, la première pensée de l'étranger en le voyant est qu'il n'est pas à sa place dans cette humble école. Ses yeux bleus rêveurs ont une expression vague de souffrance et de bienveillance. Il y a quelque chose comme une agitation nerveuse dans ses manières qui n'annonce pas un esprit entièrement satisfait. Mais quoi qu'il puisse penser ou sentir, il accomplit bravement ses devoirs, et ses enfants grossiers aiment leur doux maître avec un dévouement sincère qui se traduit de cent manières charmantes. Ils lui apportent de magnifiques bouquets de fleurs de leur jardin. Ils se lèvent avant le jour pour orner les salles d'études avec leurs bouquets. Ils font des lieux pour chercher un livre dont il a besoin, car ils savent qu'il étudie beaucoup, et le regarde émerveillé, la bouche ouverte, pendant qu'il tient sa tête penchée sur quelque lourd volume emprunté à un curé des environs. Une tablette de son petit salon est chargée de livres, achetés avec son argent de poche, dans le temps où sa pension payée par l'oncle Georges le mettait à même de satisfaire ses penchants pour l'étude. Cet après-midi de mai, il est singulièrement grave et silencieux, et il ne parle que fort peu, aux enfants les renvoyant chez eux, de sorte que deux ou trois des plus avancés s'en vont tout à fait déconcertés, se disant l'un à l'autre que le maître a certainement quelque chose. Quand ils sont tous partis, Richard s'abandonne à la rêverie. Ses yeux bleus sont fixés sur la fenêtre ouverte où, à travers une haie de jardin proprement taillée, il peut voir les détours du sentier par lequel Blanche l'avait amené par un jour d'hiver visiter la nouvelle école. « Viendra-t-elle » dit-il. « Elle m'a promis de m'apporter la dernière livraison de Quarterly, dès qu'elle l'aurait reçue du cabinet de lecture. Elle est bonne et si infatigable que je suis sûr qu'elle tiendra sa promesse. Oui, je sais qu'elle viendra. » Cette pensée semblait le remplir d'une sensation de plaisir. Il s'approcha d'un rayon de livres, et ayant choisi un volume, il se mit à lire, le visage tourné du côté de la fenêtre et sur le petit sentier conduisant à Belminster. « Si elle vient m'apporter la revue, dit-il, n'est-ce pas une marque qu'elle prend intérêt à moi ? Mais n'en ferait-elle pas autant pour le plus pauvre individu de Belminster, s'il avait du goût pour la lecture ? Et qu'elle pensa qu'il fût de son devoir de lui faire plaisir ? Elle est si différente des autres filles qu'il faudrait qu'un homme fût le plus vil des fats pour boire une preuve de préférence dans ses moindres actions. Cette pensée l'avait rendu tout triste et il se leva pour faire une deux fois le tour de la chambre sans tapis. Ce n'était pas un beau jeune homme, mais il y avait dans sa personne une délicatesse et une distinction qui le rendaient particulièrement attrayant. Ses vêtements étaient très simples et de couleur peu voyante, mais quoi qu'il portât, il avait toujours l'air d'un gentilhomme. Pendant qu'il se promenait de long en large, un charmant visage se montra à la fenêtre et une voix pleine de gaieté s'écria. « Ah, Richard, voilà de l'impatience. Vous marchez là comme un lion affamé qui attend son dîner parce que sans doute je suis un peu en retard avec votre revue. Je suis bien fâché de vous dire qu'elle est horriblement triste. Je n'ai pas pu en lire une demi-douzaine de pages. Puis-je entrer ? Oh, s'il vous plaît, lui dit-il en tremblant. « Très bien, dit Blanche. « D'abord, j'ai toutes sortes de commissions pour vous de la part de papa, et bien des choses à vous dire moi-même. Donc, je vais entrer m'asseoir une dizaine de minutes. » Le jeune homme s'élança pour ouvrir la porte à sa visiteuse, qui, après être entrée dans la salle d'études, s'installa dans la chaire. Pendant une dizaine de minutes, elle continua à parler à Richard d'une foule de choses, des commissions qu'elle voulait qu'il fît, des informations qu'il devait prendre sur les parents de ses élèves, et d'autres affaires. Mais le maître d'école gardait le silence le plus complet. Il s'appuyait contre la fenêtre, et d'une main blanche comme celle d'une femme, il jouait avec sa chaîne de montre. Blanche remarqua son air préoccupé et lui dit enfin, avec quelque impatience, « Mais, Richard Saunders, vous ne m'écoutez pas du tout. Je suis sûr que vous n'avez pas compris un seul mot de tout ce que je vous ai dit. »« C'est vrai, Miss Hayward. s'écria-t-il avec une énergie soudaine et passionnée. « Je n'entends que votre voix, et c'est une telle mélodie pour moi que cette chère musique m'enivre et que la tête me tourne quand je l'écoute. « Richard, » dit-elle. « Oh oui !» s'écria-t-il avec amertume. « Dites-moi que je m'oublie, que votre bonté m'a rendu insolent. Allez trouver votre père Blanche et dites-lui qu'il a mal placé ses bontés, car le jeune homme qui lui doit tout ne le récompensera de ses bontés qu'en osant aimer sa fille. « Richard, Richard !» s'écria Blanche avec tristesse. « Non, non, non. Vous ne me reprochez pas ma présomption, Miss Hayward ?»« Non, Richard. Quelle présomption peut-il y avoir dans ces paroles de vous à moi ? Ne sommes-nous pas égaux par l'éducation et les sentiments, de même que nous le sommes bien certainement par la naissance ?»« Comment ?» s'écria Richard dont le visage pâle devint radieux d'espérance. « Pensez-vous ce que vous dites ? Est-il possible ? Se peut-il que vous m'écoutiez ?»« Pas un seul mot !» dit-elle avec détermination, « pas un seul mot. Oh, Richard, Richard, pourquoi faut-il qu'une idée semblable soit jamais entrée dans votre tête? Pourquoi ne vous contentez-vous pas de ces études tranquilles au milieu desquelles vous étiez si heureux? Savez-vous combien il y a d'amertume à aimer sans espoir? Savez-vous la douleur et la honte de penser nuit et jour à quelqu'un qui ne pense jamais à vous? Oh, Richard, vous n'êtes qu'un enfant, et je vous parle comme je pourrais parler à quelques frères plus jeunes. Je vous conseille, comme je lui conseillerais, de repousser cette malheureuse idée de votre cœur. » Elle avait parlé avec une chaleur inaccoutumée. Ses yeux gris étaient allumés d'un éclat fiévreux, et un rouge vif colorait ses joues. N'y a-t-il donc pas d'espoir ? N'y a-t-il pas d'espoir, Blanche ? Rappelez-vous que je ne suis qu'un enfant, vous l'avez dit vous-même. Ma pauvreté n'est qu'une chose momentanée. Je travaillerai pour entrer au collège, je me ferai ministre, je me ferai votre égal, et alors ? Alors, Blanche, quand j'aurai fait tout cela, pourrais-je espérer ? Non, Richard, non. La douce gravité de son ton et la profonde tristesse répandue sur sa figure eussent dit au plus entêté prétendant que sa cause était en effet désespérée. Richard Saunders cacha sa tête dans ses mains, éclatant en sanglots. En ce moment, le vicaire de Belminster parut sur la porte. Puis-je entrer ? Dit Walter en mettant le pied sur le seuil, sans attendre une réponse. « Bonsoir, Miss Hayward. Richard, comment vous trouvez-vous ce soir ?» Il posa en parlant sa main sur l'épaule du jeune homme et sentit que tout son corps était ébranlé par des sanglots convulsifs. « Comment, Richard ? Richard ? » dit-il doucement. « Qu'avez-vous ? » ?»« Vous avez été bon pour moi, Monsieur Ramorden, » dit le jeune homme, « et je me suis confié à vous comme un frère aîné. Vous savez combien je l'aime. Me pardonna-t-elle de vous avoir dit ce que je lui ai dit à elle-même ce soir ?» « Oui, oui. Il m'a défendu d'espérer, soit pour le présent, soit pour l'avenir. Que le ciel la bénisse. Un ange aurait parlé comme elle l'a fait ce soir, mais elle n'en a pas moins brisé mon cœur. » Le vicaire ne put voir le visage de Blanche. Elle avait appuyé sa tête sur sa main et elle tenait ses yeux fixés à terre. « mes enfants, » dit doucement Walter, « car vous êtes presque des enfants pour moi. N'y a-t-il pas un peu de précipitation dans ces décisions ? Vous paraissez si bien fait l'un pour l'autre que j'avais espéré un dénouement meilleur. Miss Hayward, donnez-moi votre main. Comme elle est froide, pauvre petite main. Voyons, asseyons-nous à la fenêtre, et je vous conterai une histoire d'amour. Elle est vraie, avec sa triste fin, mais elle contient une excellente morale dont peut-être vous ferez bien de vous souvenir. »